Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Cuisiner pour les puissants, c'est un festin français. Ce jour-là, le 27 février 1753, voici le menu pour le souper du roi Louis XV lors de son passage au château de Choisy. Deux grandes entrées, un rôt de bœuf de mouton de Choisy et un quartier de veau de Pontoise, suivi de deux oies et de deux potages, un de santé, un de garbure. Puis viennent les entrées, il y en a 20, suivi de quatre relevés, de deux entremets, puis 4 moyens et 8 rots, et pour finir, 20 petits entremets. Le roi a bien mangé, a bien bu, il a la peau du ventre bien tendue. Et voici le deuxième service. Après les petites entrées et amuse-bouches comme pigeonneaux, perdrix et poulets fricassés, ce sont des nourritures plus consistantes. 2 japons gras, 4 poulets aux truffes, 2 dindons grillés, une poule garnie de quelques poulets aux œufs. Bien ça. Ça doit être bon. Commençons par un petit tour en cuisine. Bonjour Florent Kellier. Bonjour, merci de me convier à votre table. Oh, qu'est-ce que vous êtes prévenant, parce que vous connaissez les usages de la table et vous savez comment ça se passe. Il y a la table et il y a les coulisses. Et dans cette histoire-là, nous venons de l'évoquer, des quantités de produits absolument gigantesques. Petit tour en cuisine, mais même avant la cuisine, il faut des espaces de stockage immenses. Faut des espaces de stockage importants et également toute une logistique reposant sur des marchés de pourvoirie hein, pour la viande, pour les poissons, pour le pain, pour le vin. Et tout cela doit être prévu à l'avance, en principe une bonne semaine à l'avance, afin de pouvoir nourrir correctement la table du roi et les tables qui sont offertes au nom du roi dans le cadre de la maison du roi ou dans le cadre des hôtels aristocratiques. On sait à peu près combien de personnes peuvent être nourries comme ça par les cuisines royales. Là, nous nous trouvons à Versailles au XVIIe, au XVIIIe siècle. Donc là, on a plusieurs centaines de personnes qui peuvent être nourries régulièrement pour à la fois le dîner et le déjeuner. Mais alors, pour nourrir toutes ces personnes, mettons l'argent de côté, parce qu'on va dire que ce n'est pas le souci prioritaire, c'est l'organisation qu'il faut. Où vont-ils chercher toute cette nourriture? Ça repose sur des contrats avec des fournisseurs qui s'engagent sur des quantités, sur des qualités de produits, et les prix sont clairement indiqués, parce qu'il y a tout un contrôle derrière, évidemment. Ça repose également en partie sur une forme d'autoproduction pour tout ce qui relève des végétaux dans le cadre de grands jardins fruitiers potagers qui sont là également pour pourvoir les résidences aristocratiques. Il n'y a pas d'élevage? Je pense par exemple à des cochons, à des lapins. Ça peut arriver, c'est pas à Versailles? Alors, il peut y avoir du petit élevage domestique. Il y a également un peu de gibier, mais pas tant que cela en fait. Hein. Ça repose quand même essentiellement sur le marché pour tout ce qui renvoie à la viande. Alors dès qu'il est question, je ne sais pas, moi j'ai évoqué ce repas de 1753, un souper précisément. Alors il y a à peu près tous les animaux représentés, c'est formidable. Il y a du mouton. Bah, alors ces moutons, ils arrivent comment? Ce sont pas des moutons sur pattes, ils sont déjà transformés auparavant, ils sont déjà tués. Alors, ils arrivent vivants sur les marchés. Ils arrivent vivants parce que c'est une façon de contrôler la qualité de la viande, notamment pour les questions sanitaires. C'est aussi une façon de pouvoir prélever les taxes sur ces animaux. Et après, ça passe par la boucherie. Et les pièces qui arrivent dans les cuisines royales ont déjà été dépecées. Oui, c'est vrai que pour transporter de la viande, rien de mieux que l'animal vivant, ne serait-ce que pour la conservation. Au moins, il est sur pattes, il est là. C'est moins de risques pour cette viande. Donc, beaucoup d'aliments, des quantités énormes, stockées pas si longtemps que ça. Hein. Vous dites, il y a une histoire d'une semaine de préparation, en fait. Oui, alors après, on peut avoir des questions de salaison ou autres qui permettent d'avoir des réserves, mais globalement, la question de l'approvisionnement ne doit pas être une contrainte pour les aristocrates. Les aristocrates montrent leur puissance sociale par l'abondance et par le fait que la table doit toujours être bien pourvue et essentiellement pourvue de produits frais. C'est par la fraîcheur des produits, aussi bien pour la viande que pour les poissons, que l'on montre que l'on appartient aux élites et non pas par les produits de conserve. Parce que, toujours dans ce souper que je citais, mais faudrait compter vite fait, mais on est sur 50-60 plats différents. On est bien d'accord, ils ne mangent pas tout ça. Alors, ils ne mangent pas tout ça. En réalité, on montre la puissance sociale par l'abondance alimentaire. Dans une société qui est marquée par la pénurie, par des risques de disette, voire de famine, on meurt encore de faim en France au XVIIe, les élites, elles, vont montrer leur supériorité sociale par cette abondance et par une forme de gaspillage aristocratique qui est purement symbolique. C'est-à-dire que les plats sont à peine touchés à la table principale et ensuite, il y a un système de redistribution. Redistribution à d'autres tables, des tables secondaires qui peuvent récupérer des plats qui ont été servis à la table des maîtres. Et donc, il y a une forme de contamination symbolique positive. Les produits sont d'autant plus meilleurs qu'ils sont passés par la table du roi. Il y a une partie de ces plats qui retournent en cuisine et qui vont être utilisés pour préparer les farces qu'on utilisera, par exemple, pour les tourtes, des godivots, etc. pour le lendemain ou le soir. Et une partie peut être consommée par les domestiques et une autre partie est revendu. Ça entre dans les gages des cuisiniers, des domestiques. Une partie des plats sont revendus dans ce que l'on appelle le regras. Un système de regras qui peut être particulièrement intéressant dans le cadre des salaires des domestiques. Et ce regras permet une diffusion plus large des produits. Ce qui veut bien dire qu'on est vraiment sur un gaspillage symbolique. Oui. Il n'y a pas en fait une perte importante de nourriture et les plats qui sortent de cuisine ont intérêt à être abondamment pourvus. C'est-à-dire qu'en cuisine, on a tout intérêt à ce que les plats soient les plus abondants possibles afin qu'ils puissent revenir en cuisine avec des bons morceaux. Des bons morceaux qui vont pouvoir être revendus. De même, les plats sont retirés assez rapidement. Ce qui permet aussi de récupérer des plats qui sont parfois à peine touchés. Il y a une rotation rapide dans le service à la française. Cette rotation rapide renvoie un peu à l'idée d'un balai. Un balai qui est parfaitement orchestré par le maître d'hôtel. Et c'est une façon de montrer l'efficacité de l'état moderne. Cette rotation des plats. C'est un élément que l'on voit par exemple dans le Don Juan de Molière. À un moment, Don Juan va proposer son valet un repas. Et son valet lui dit « Oui, mais on laisse les plats sur la table, parce que moi, je veux manger. » Ce qui montre bien ce jeu, cette rotation. Et pour bien comprendre également ce spectacle politique, il faut garder à l'esprit qu'il y a un public qui assiste au repas. Il y a ceux qui sont conviés, qui sont à table, qui peuvent consommer. Mais vous avez également la cour qui peut voir passer les plats. Et cette procession des plats participe totalement de ce spectacle de l'excellence sociale. L'excellence sociale avec, évidemment, des gens. C'est une histoire complètement incarnée. Il y a des gens qui mangent, les gens qui regardent les autres manger. Et puis, il y a tous ceux en coulisses qui permettent ce spectacle. Florent Quélier, dès le départ, sur le choix des aliments, sur la qualité, il y a des spécialistes, parce que c'est pas simple de savoir ce qu'est une bonne viande, une mauvaise viande, de savoir quels légumes il faut prendre. Alors, les spécialistes, ceux qui vont choisir les aliments, contrairement à ce que nous pourrions croire aujourd'hui, ce ne seront pas les cuisiniers. Ce ne sont pas les cuisiniers qui vont faire ce choix-là, mais ça relève du maître d'hôtel et du contrôleur. C'est-à-dire de ceux qui passent les contrats avec les pourvoyeurs et qui sont des gens qui maîtrisent le bon goût de l'aristocratie. Car la table doit répondre au goût du maître. On ne mange pas la cuisine du cuisinier, on mange la cuisine du maître. Et donc le bon cuisinier, c'est celui qui est capable de produire des plats qui sont au goût de son maître. Et tout cela entre dans le cadre d'une codification du bon goût, second 17e, 18e, qui va contraindre de plus en plus les élites avec certains produits qui doivent être privilégiés. Par exemple, on va privilégier les aliments considérés comme délicats afin de montrer la délicatesse, la subtilité prétendue des élites. Ça va être, par exemple, un goût pour les légumes primeurs, pour les légumes hors saison, qui est une façon de montrer que l'on est différent du bas-peuple, puisqu'on peut consommer ces légumes hors saison. Ça va être le goût pour des aliments légers, donc non roboratifs, pour des aliments fondants, par exemple les fruits. Les fruits à la mode au 17e, 18e, on va retrouver la poire beurrée, c'est-à-dire fondante, la pêche, la figue, le melon, c'est-à-dire des fruits qui n'entraînent pas une mastication appuyée. Donc il n'y a pas la grossièreté de faire du bruit en mangeant, contrairement à une pomme, par exemple. Ce sont des fruits qui vont fondre en bouche et qui évitent de trop montrer sa dentition, qui est une dentition avec de véritables problèmes, des dents moins ou des dents noires. Donc c'est un spectacle grossier de montrer ses dents. Donc les fruits fondants, c'est quand même plus élégant. Et c'est une façon, là aussi, de montrer qu'on est délicat, puisqu'on est ce que l'on mange, en quelque sorte, alors que la pomme est plutôt considérée comme un fruit de paysan. Même chose pour les légumes primeurs, les petits pois frais, par exemple. Lorsque les légumes sont secs, c'est plutôt une nourriture soit de pénitence alimentaire, une nourriture de carême, soit une alimentation de personnes qui ont à se soucier de l'approvisionnement alimentaire, contrairement à la fraîcheur de ces produits. Et oui, parce que les haricots secs, c'est vraiment le truc du paysan, il les a conservés longtemps, alors que le petit pois frais, merveille aristocratique, avec ces moments, ce temps lié à l'alimentation, imposé par la religion. Vous venez de citer le carême, et ben ça tombe très bien, parce qu'aujourd'hui avec nous dans le cours de l'histoire, Marie-Pierre Rey, bonjour. Bonjour. L'exceptionnel destin d'Antonin Carême. Alors Carême, aucun rapport avec la religion, si ce n'est une étymologie de son nom, le premier des chefs. Quand vous étudiez Carême, Marie-Pierre Rey, il y a ce personnage, nous sommes un peu plus tard, hein, on est plutôt au 19e siècle, mais là encore, héritier de cette longue tradition que vient de présenter Florent Quillier. Oui, absolument. Alors, c'est tout le paradoxe, hein, puisque Carême est au départ un enfant abandonné, donc il n'a pas cette culture, il est un homme du peuple, mais il s'est très très tôt intéressé à ce qu'avait été la cuisine avant. Il a une bonne connaissance, il se veut aussi un historien de la cuisine, et de ce point de vue-là, il est à la fois l'héritier de la cuisine d'Ancien Régime, et puis un précurseur de ce qu'on pourrait appeler la cuisine bourgeoise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi va beaucoup travailler les légumes primeurs, pour lesquels d'ailleurs il revendiquera des cuissons très très courtes pour conserver la texture, pour conserver le goût initial. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il a sans doute plus le goût du naturel que la cuisine d'Ancien Régime, mais de ce point de vue-là, donc il est lui aussi un adepte des petits pois, des asperges, il a une attention très particulière aux produits. À l'origine aussi de ses produits, il veut le produit à son meilleur, à sa meilleure saison. De ce point de vue-là, lui aussi travaille beaucoup le produit naturel dans son terroir, pourrait-on dire, et de ce point de vue-là, sans trop d'excès. Par exemple, il condamne l'excès d'épices, il considère qu'il ne faut pas dénaturer les bons produits en les surchargeant d'épices. Donc, de ce point de vue-là, c'est un homme en quelque sorte de transition. Mais il innove beaucoup, je pense qu'on va revenir sur ce parcours hors norme. Ah oui, mais il faut en parler, parce que Carême, c'est un personnage, un destin exceptionnel. Je reprends le sous-titre de votre ouvrage, Marie-Pierre Rey. Et puis, il y a cette longue histoire. Quand nous évoquons les épices, c'est très intéressant de voir comment ces épices omniprésentes dans notre imaginaire, en fait, ont une vraie histoire. Florent Quillier. Les épices, effectivement, étaient très présentes dans l'alimentation des élites à la Renaissance et au Moyen-Âge. Et elles commencent à reculer dans la seconde moitié du XVIe, puis XVIIe, XVIIIe. Et on le voit bien dans la cuisine française, telle qu'elle apparaît au 17e, notamment dans ce premier témoignage imprimé qu'est le cuisinier François en 1651. On a à la fois une réduction des quantités d'épices et une réduction considérable de la gamme d'épices utilisées. La cuisine française va conserver trois épices pour le salé, le poivre, la noix de muscade et le clou de girofle. Et dès le 17e, on nous dit d'ailleurs que le clou de girofle doit être planté dans un oignon, ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et deux épices sont conservées pour le sucré, à savoir la cannelle surtout et le gingembre. Et ce qui est assez intéressant dans la logique française, c'est qu'il y a cette idée qu'il y aurait des épices pour le sucré et des épices pour le salé. Et surtout, ces épices vont être remplacées par les aromates qui poussent dans les jardins potagers en France. Et vous avez une expression alors, qui montre toute l'arrogance française du grand siècle. Hein. L'arrogance française, elle naît réellement au XVIIe siècle, de Nicolas de Bonnefond dans Les délices de la campagne, qui est un livre de cuisine de 1654, où il parle du persil et il dit « notre épice française ». Notre épice française, il y a derrière cette idée que les terroirs de la France sont suffisamment riche sans avoir besoin d'aller chercher les épices des Indes. C'est à replacer dans une reconfiguration en gros de l'Europe, avec au centre de l'Europe au XVIIe, dans la seconde moitié du XVIIe, la France qui devient la première puissance, qui devient la grande puissance militaire, économique, diplomatique et culturelle, et ce modèle français qui va survaloriser les produits de France, ce qu'on peut voir par exemple dans le mercantilisme aussi, l'idée que la France peut se passer du monde entier, mais le monde entier a besoin de la France, en gros, et cette cuisine elle montre ça, elle montre la richesse de la France, et les aromates deviennent un signe de distinction sociale. On consommait les aromates au Moyen-Âge, hein, mais ce n'était pas un signe de distinction sociale, c'était les épices. Là, ça change, et c'est là où on voit que le jardin fruitier potager, il est central dans cette culture alimentaire, parce qu'il faut bien produire à côté les herbes que l'on va utiliser pour le fond aromatique de cette cuisine française qui devient le bouquet garni, ce qu'on appelle le paquet en réalité au grand siècle. Le paquet, c'est un petit morceau de tulle sur lequel on va poser les herbes aromatiques, on replie le morceau de tulle, on coud grossièrement, on plonge ça dans le bouillon et on a le fond aromatique, le bouquet garni, qui devient vraiment la signature aromatique de la cuisine française à partir du 17e. Et le naturel, il est revendiqué en fait dans le discours dès le 17e siècle. Dans Les délices de la campagne, Nicolas de Bonnefond écrit « Il faut qu'un potage au chou sente le chou, au poireau le poireau, au navet le navet ». Ce qui, en gros, pourrait être revendiqué par les adeptes de la nouvelle cuisine au XXe siècle. Hein. Ce discours, il est présent. En réalité, quand on prend les recettes, elles sont quand même encore très riches. Elles sont, pour nous, elles sont pas forcément très marquées par le naturel. Alors, ce discours sur le naturel, il faut le comprendre comme le discours sur les produits de France. Naturel, naturalisé, naturalité. Vous voyez, on est sur cette idée-là. Et il y a un élément qui est essentiel dans la cuisine française dès le XVIIe siècle. Il y a l'idée que le goût de l'ingrédient principal ne doit pas être masqué par la sauce ou par les épices. Contrairement à la cuisine médiévale, qui était une cuisine qui pouvait modifier le goût pour modifier les humeurs. Ce sont des logiques médicales. C'est plus du tout la logique du 17e, 18e. Et c'est pour ça que cette cuisine du 17e, elle est plus proche de nous, en réalité, que la cuisine de la Renaissance. Et derrière, il y a vraiment un discours très laudateur sur la richesse du royaume. Dans votre bouquet garni, vous mettez quoi, Florent Quillier? Le thym, le laurier? Le thym, on peut mettre du laurier, on peut mettre les racines de persil également, qui peuvent être consommées. Le bouquet garni qu'on connaît, quoi, en fait. C'est notre bouquet garni. C'est exactement le même, et on a même l'apparition de bouillon portatif, c'est-à-dire le bouillon cube. Et ça, voilà. On l'a déjà au 17e, 18e. Bon, ok, on comprend bien que notre cuisine d'aujourd'hui vient de ce moment-là, en tout cas avec toutes les transformations, avec cette réflexion aussi sur ce que représente la cuisine par rapport au pays. Parce que Marie-Pierre Rey, avec un bonhomme comme Antonin Carême, nous sommes à un moment où s'impose cette idée de gastronomie. Le début du 19e siècle, il y a la gastronomie. Mais Carême cuisine français, au sens où ce qu'il fait, c'est une fierté française. Oui, bien sûr. Alors, on peut même parler de patriote culinaire en évoquant la personnalité d'Antonin Carême, bon, dont je rappelle au départ, hein, donc il est né en 1783 et il a une carrière assez fulgurante pour un enfant au départ abandonné par son père et placé chez un gargotier. Donc, il apprend sur le tas, hein, c'est un autodidacte, mais qui aura toujours le souci de justement s'élever, non seulement par sa cuisine, mais aussi par sa culture culinaire, d'où l'intérêt qu'il porte justement à cet héritage médiéval, la cuisine de la Renaissance. Et pour lui, la meilleure cuisine au monde, c'est la cuisine française telle qu'elle se pratique sous l'Empire. Donc de ce point de vue-là, c'est à la fois un patriote et puis aussi un grand défenseur de l'Empire. Il est très napoléonien dans sa démarche et ce n'est pas un hasard s'il va servir Talleyrand et incarner finalement toute la magnificence, non plus de la table du roi, mais de la table du ministre des Relations extérieures, qui évidemment va imposer cette idée que cette cuisine française, c'est aussi un outil diplomatique, un outil d'influence, un outil de rayonnement. Et là, on retrouve bien sûr la logique de la table du roi. Il s'agit d'éblouir par les mets que l'on sert et par évidemment tout ce qui va en harmonie. Alors, tout à l'heure, il a été question de bon goût. Pour Carême, ce qui est important, c'est le bon ton. C'est-à-dire qu'en cuisine, tout doit être dans la même unité. Il est un grand défenseur de la notion d'harmonie, qui doit être à la fois une harmonie gustative, donc combattre justement l'excès d'épicerie, hein, c'est le terme qu'il emploie, l'excès d'épices, l'usage des herbes aromatiques. Alors lui aime beaucoup la sarriette, la sauge, et en particulier pour la cuisson du poisson. Il considère que le poisson doit avoir le goût de poisson et non pas être travesti par des sauces qui le dénaturent. Donc on voit bien qu'il est aussi dans cette nouvelle cuisine qu'évoquait Florent Quélier, mais que il se l'approprie, et en particulier parce qu'il va cuisiner beaucoup plus de poissons que ne le faisaient ses prédécesseurs. Et de ce point de vue-là, voilà, il est vraiment dans ce souci à la fois d'une cuisine qui se montre, mais aussi qui se montre par l'aspect visuel, mais qui est au service du produit lui-même. C'est d'ailleurs intéressant qu'il soit cuisinier de Talleyrand, qui évoque tout de suite par ses origines sociales l'Ancien Régime. Talleyrand est héritier de cette longue tradition, plutôt que de Napoléon, dont on dit qu'il ne restait pas bien longtemps à table et que c'était pas son grand souci. Oui, alors Napoléon passe une dizaine de minutes à table. Il n'a aucun intérêt pour la cuisine. D'ailleurs, il avait des problèmes, on le sait, hein, d'estomac. Il avait peur de grossir. Donc, rien ne l'intéresse dans la cuisine à titre personnel. Mais il a évidemment très tôt compris avec son intelligence que la cuisine pouvait être un outil d'influence. Et quand il dit à Cambacérès ou à Talleyrand « Ayez bonne table, dépensez, je paierai », on voit bien ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, effectivement, l'idée que cette cuisine française, la meilleure au monde selon Carême, eh bien, elle doit être un outil d'influence. Alors, ce qui est intéressant chez Napoléon, c'est qu'on peut considérer qu'il y a en réalité un double usage de la cuisine, double usage auquel d'ailleurs Carême participera. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler les grands messes culinaires, qui sont en fait ces grands rassemblements dans lesquels on va nourrir des milliers d'individus, y compris par exemple aux Champs-Élysées, hein, ce qui représente une performance du point de vue organisation, du point de vue anticipation, où il s'agit de montrer le faste de l'Empire au petit peuple, pourrait-on dire, et de l'associer aussi en distribuant ensuite, hein, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la table du roi, il n'y a pas de gaspillage, hein. On distribue généreusement des victuailles, une cuisine à plusieurs milliers de soldats, par exemple, quand il s'agit de les récompenser, et puis ce qui n'est pas consommé sera ensuite distribué dans les différents quartiers de Paris. Donc c'est vraiment l'idée là aussi d'une sorte de redistribution de la table, et on montre la magnificence de l'Empire. Et à côté de cela, il y a cette cuisine politique, je dirais, qui vise en fait à séduire, où là on aura des dîners comme chez Talleyrand, que ce soit au ministère des Affaires étrangères ou chez lui rue Saint-Florentin ou plus tard à Valençay, où on a une table pour les élites au cours de laquelle on va extrêmement bien manger, une nourriture sophistiquée, où on boit de très bons vins et où on parle. Et il y a évidemment une association entre les bons mots d'esprit et puis ce que l'on mange. Hein. Et ça, pour Talleyrand, c'est fondamental. Et Napoléon appréciera justement cette idée qu'on peut créer des liens de vassalité influencés par cette harmonie entre les bons mots, l'esprit à la française, comme on disait à l'époque, et puis cette grande cuisine. Et Carême sera des deux logiques, puisqu'il participe à ces grands repas distribués à des milliers de personnes et puis à ces dîners beaucoup plus sophistiqués où évidemment la cuisine est particulièrement suave, délicieuse et très belle à regarder. Un des plus grands Talleyrand, c'est évidemment Claude Rich. Encore un peu de ce foie gras ? Prince, être traité par vous, c'est presque vous appartenir. Regardez la suite. Asperges en petits pois, cul d'artichaut à la ravigote, saumon à la royale, filet de perdrix à la financière. À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime. Et ce champagne. Cadeau du duc de Wellington. Il y a meilleur goût chez vous que chez lui. Ben oui, évidemment. C'est un extrait du souper, le film d'Edouard Molinaro, d'après la pièce de Jean-Claude Briseville, avec Claude Rich et Claude Brasseur, Talleyrand, Fouché, repas admirable. Dans ces noms donnés au plat, Florent Quélier, on peut voir l'attention portée à l'origine du produit. C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est. Le produit n'est pas masqué, ce sont des petits pois, ce sont des asperges. Mais malgré tout, on y ajoute quelque chose pour montrer que ça a été transformé. C'est une forme d'anoblissement du produit par la référence à un lieu de production. Et c'est important parce que ça permet de renvoyer au domaine, l'importance du domaine qui est au cœur de la culture aristocratique. Donc ce ne sont pas n'importe quel aliment puisqu'ils viennent du domaine. Et donc obligatoirement, ils sont meilleurs. Ils ont incorporé une valeur positive qui renvoie à des provenances géographiques, gages de qualité. Et cela s'inscrit totalement dans l'image du coteau, qui est une image très positive au XVIIe siècle. Le coteau, c'est l'ancêtre du gastronome. Le gastronome apparaît, le terme apparaît au XIXe, mais on a un terme XVIIe qui est le terme de coteau. Et le coteau, c'est quelqu'un qui est capable, au goût, de reconnaître l'origine d'un vin, des coteaux de Champagne, qui est capable de reconnaître au goût la provenance d'une perdrix, d'un veau, etc. Ce qui montre bien une sensibilité de ces élites à la provenance géographique et à ce lien qui est fait entre une provenance et la qualité. Et c'est pas innocent si c'est quelque chose qui va apparaître dans les menus, justement. C'est bien une façon de valoriser et les convives et les cuisiniers autour de ces produits considérés comme nobles. L'idée, c'est que les convives sont valorisés parce qu'ils vont pouvoir apprécier un produit qui est considéré comme bon. Et donc, c'est un petit peu comme un musicien qui, pour être apprécié, doit avoir en face de lui des personnes qui ont la capacité d'apprécier sa musique. Et c'est la même chose. Et dans la cuisine française, c'est par rapport aux produits d'origine que l'on a cette valorisation. Dans cette mise en parallèle entre la cuisine et la musique, il faut laisser la parole à Paul Bocuse. Je pense que la cuisine, on peut le considérer comme de la peinture, comme de la musique. On peut jouer de la musique tout seul, on peut diriger un orchestre, donc c'est peut-être ici un peu le cas. Je dirige une équipe de cuisiniers, il y a le saucier qui peut remplacer le premier violon, il y a le rôtisseur qui peut remplacer l'alto. Je pense qu'il y a quelques musiciens qui sont doués et qui peuvent jouer très tôt du piano, qui peuvent jouer très tôt du violon. En cuisine, c'est pareil. Ils arrivent dans la maison, là, certains apprentis qui arrivent, et dès qu'ils arrivent, ils n'ont jamais fait une sauce de salade, et ils savent faire une sauce de salade. Allez me demander pourquoi, je ne sais pas. Et il y en a d'autres qui sont là depuis 10 ans, qui sont incapables de faire une sauce de salade, ils n'y comprennent rien. Mais par contre, ils sont plus doués pour faire un rôti. Il y en a qui ne savent pas faire cuire un rôti. Il y en a qui ne savent jamais faire cuire une sauce. Et la musique, je crois que c'est la même chose. Je crois être cuisinier, c'est quand même être un peu doué. On aime peindre, on aime cuisiner, on aime jouer de la musique. Paul Bocuse en 1976, le chef. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce mot-là, le chef, le premier des chefs, Marie-Pierre Rey. Mais on le voit sur la couverture de votre livre chez Flammarion, le document qui représente cette cuisine de Carême. Déjà, il n'est pas tout seul. il est chef. Mais on dit chef d'orchestre. Pourquoi lui, il est que chef? Alors, au départ, il est chef des cuisines, ah, c'est bah l'expression, voilà. L'expression qu'on emploie parce que on a déjà identifié un certain nombre de spécificités. On a le saucier, par exemple, le pâtissier, et au départ, on avait le maître d'hôtel, comme il a été dit, qui était la figure dominante. À partir de Carême, finalement, le maître d'hôtel va un peu disparaître, pourrait-on dire, derrière la figure du chef des cuisines, mais au départ, voilà, il est chef des cuisines en ce sens qu'il dirige ce qui deviendra ensuite une brigade, hein, l'expression brigade. Et on a toute une métaphore d'ailleurs militaire. Hein. On parle de coup de feu. On parle, voilà, on est vraiment non pas dans la musique, mais plutôt dans la symbolique militaire qui vient de loin et hein, qui est du fait que le cuisinier tranche. Donc on est vraiment dans cette sphère-là. Mais il va devenir chef en ce sens que c'est un de ses employeurs, en l'occurrence le dernier de ses employeurs, James de Rothschild, qui le présentera désormais comme son chef et non plus comme son chef des cuisines. Qui va évidemment progressivement modifier la signification du terme. Et il est très intéressant que James de Rothschild, finalement, ait contribué à faire de Carême un personnage public. Non plus l'homme en cuisine qui, finalement, est dans les coulisses ou plutôt dans les bas-fonds, puisque les cuisines étaient souvent en sous-sol, mais en faire un personnage public qui va ensuite rendre visite, si je puis dire, aux convives de la table pour requérir leurs sentiments sur le repas qui vient d'être servi. Et là, on a une mutation extrêmement intéressante, d'où cette idée, voilà, qu'il est le premier des chefs, en ce sens qu'il est le premier des chefs et non plus le premier des chefs de cuisine. Et il est chez James de Rothschild entre 1826 et 1829, donc on est là à la fin du premier tiers du 19e siècle et on a une mutation symbolique et à laquelle d'ailleurs Carême aura beaucoup participé parce que pour lui, c'est un trait très intéressant, le cuisinier, et on retrouve l'idée de Bocuse, hein. Le cuisinier, c'est un artiste. Le grand cuisinier, c'est un artiste culinaire, comme un musicien, comme un peintre. Et d'ailleurs, je pense que Bocuse a beaucoup lu Carême parce que Carême, justement, évoque la figure du peintre et du musicien. Bocuse est vraiment dans cette filiation. Et c'est un artiste. Et en ce sens, l'artiste, eh bien, doit être respecté comme tel et non pas être traité comme un domestique. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour Carême, il était essentiel de retrouver la dignité du grand cuisinier qui existait à l'époque médiévale et qui ensuite avait un petit peu disparu et où on avait effectivement tendance à assimiler le cuisinier à domestique, ce qui pour Carême n'est pas concevable. Et de ce point de vue-là, on voit que le terme de chef renvoie non seulement à un espace symbolique, mais aussi, je dirais, à une dignité sociale qui est très très importante pour Carême. Ah bah le mot est resté, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui Absolument. Quand on dit un chef, c'est un chef de cuisine, Absolument. Florent Quellier. Là, on voit bien que Carême est dans la continuité d'un processus culturel de l'Ancien Régime qui est lié à l'intellectualisation de l'alimentation. Et c'est un élément que l'on peut voir, par exemple, dans Les Dons de Comus, qui est un livre de cuisine de 1739, qui a l'intérêt d'être ouvert par une longue dissertation historique où on compare l'alimentation à la musique, aux beaux-arts, à la chimie, etc. Et cette introduction va entraîner une controverse. Une controverse un petit peu comme dans le monde des lettres. Ce qui montre bien que la cuisine est en train de changer, qu'elle n'est plus uniquement bassement mécanique, qu'elle renvoie aussi aux beaux-arts. Et c'est dans le cadre de cette controverse qu'on a d'ailleurs l'apparition pour la première fois dans le lexique culinaire français de nouvelle cuisine. Hein, c'est 1739 la première fois que nouvelle cuisine apparaît. Et ce processus d'intellectualisation est également lié au fait qu'à partir du milieu du XVIIe, les cuisiniers publient des livres et mettent leur nom en couverture, ce qui n'était pas le cas pour la Renaissance. Les livres de cuisine français de la Renaissance ne sont pas signés, ou on ne sait pas qui a écrit réellement ces ouvrages. À partir de 1651, à partir du cuisinier François, là, l'auteur se met en scène et le cuisinier François se présente pas comme un cuisinier, comme un écuyer de cuisine. Et l'écuyer de cuisine, c'est en fait le responsable des cuisines. Et en dessous, vous avez les maîtres queues, les cuisiniers. Et après, vous avez, comme ça a été présenté pour le 19e, le rôtisseur, le saucier, le potager, etc. Et en dessous, vous avez les aides de cuisine. Et encore en dessous, vous avez les galopins, qui sont ces garçons de cuisine qui courent, tout simplement, d'un endroit à un autre. Et invisibiliser quelques femmes qui sont là pour éplucher les légumes et plumer les volailles. Et tout ça, donc, ça grouille dans ces cuisines de l'Ancien Régime. Et l'élément important à prendre en compte, c'est que l'image du cuisinier était très dévalorisée dans la société d'Ancien Régime. Le cuisinier, il est gros, il est gras, il est considéré plutôt comme un ivrogne. Il vit en sous-sol. Là, la cuisine est très souvent semi-enterrée. Et donc, le cuisinier est simplement un domestique. C'est un simple domestique, mais surtout, il n'appartient pas à la domesticité du paraître. La domesticité du paraître, c'est le maître d'hôtel. C'est lui qui est élégant, c'est lui qui sert avec le bâton de commandement, qui a une écharpe de commandement nouée à la taille ou sur l'épaule, qui montre bien cette analogie avec le monde militaire. On est dans une société aristocratique où la guerre est centrale dans la définition de la noblesse, et donc on la retrouve obligatoirement dans cette expression de la culture d'Ancien Régime. Et le cuisinier ne se montre pas. Il ne faut pas imaginer un cuisinier qui va en salle. Et effectivement, la grande nouveauté, la grande modernité de Carême, c'est qu'il sort de ses cuisines, lui, et qu'il se montre. Et donc, à un moment où il se montre, il doit avoir une élégance. Il devient autre chose. Et c'est un peu sa cuisine qui met en scène à partir du moment où il se montre. Mais à partir du moment où il se montre, il faut qu'il ait un langage châtié, il faut qu'il ait une tenue vestimentaire correcte et qu'il sache se tenir devant les convives. Ce qu'on n'attendait absolument pas d'un cuisinier au XVIIe ou au XVIIIe. Au XVIIe, ce qu'on pouvait attendre d'un cuisinier, c'est qu'il connaisse les goûts du roi. Attention, Sa Majesté les reste les œufs durs qui ne sont pas cuits à point. Sa Majesté vient de commencer le 8e couvert. Dressez le poulet. Préparez les corbeilles de fruits. Garnissez-le d'épinards. N'oubliez pas d'étiqueter du pain frit et de saupoudrer le bord du plat de pain râpé. Et les petits pois. Les petits pois. Le verdurier. Avez-vous pensé aux laitues? Allez, allez, allez, allez. Le cochon de lait. Très bien. Garnissez les corbeilles de fruits. Les couvercles? Un peu plus de sauce. La garniture un peu plus généreuse. La pâte à crêpes est-elle bien posée? Vous préparez 12 crêpes à la confiture, 24 au chocolat, 24 à la vanille. Ah ben, ça devrait suffire pour Louis XIV, la prise de pouvoir de Louis XIV, le film de Roberto Rossellini en 1966. Ah, il y a vraiment ce côté chef d'orchestre qu'on entend bien. Mais Florent Quélier, il y a ce lien avec le pouvoir, parce que c'est très bien le spectacle, mais faut manger. Est-ce que l'on est attentif à l'attente, c'est-à-dire on sait ce que le roi aime et n'aime pas? Totalement, on va répondre au goût du souverain, qui en plus dans le système de cour va définir le bon goût. Donc ça fait partie des attentes, et dans les plats qui sont servis dans le service à la française, il y a évidemment différents morceaux. Et donc il y a les bons morceaux qui sont destinés aux plus puissants, et les autres personnes, les autres convives vont se contenter de morceaux considérés comme moins bons. C'est-à-dire que l'erreur, lorsque l'on essaye de comprendre le service à la française, c'est de croire que tous les convives avaient la liberté de choix. En réalité, la liberté de choix est contrainte par le rang social des convives, puisque ces gens sont élevés par les traités de civilité dans la logique du bon goût, donc ils savent pertinemment qu'entre l'aile ou la cuisse, on n'a pas le choix. Ça dépend qui est le plus puissant. Et donc les meilleurs morceaux sont destinés au roi ou à une autre personne de haut rang. Et cette personne de haut rang peut très bien choisir un bon morceau et donner ce bon morceau à un convive qu'il va ainsi honorer. Et on rappelle ce qu'est le service à la française. Alors, le service à la française, c'est un service qui est hérité de l'époque médiévale, qui n'est absolument pas typique de la France, qui est le service pour les élites européennes. Et vous avez plusieurs services, c'est-à-dire plusieurs séquences qui vont se succéder, avec à chaque fois une pléthore de plats chauds et froids sur la table, sur des plats. Vous avez au minimum trois séquences, trois services, le potage avec les entrées, le rôt avec la salade et le fruit. On peut avoir un quatrième service si les entrées sont séparées du potage, et on peut avoir un cinquième service si les entremets sont servis après le rô. Et à chaque fois, donc, on a une abondance de plats. Si on prend par exemple le rô, qui est le moment le plus important d'un repas à la française, hein. Sans rô, pas de repas dans la culture aristocratique. Donc le rô, c'est la viande rôtie ou du poisson, si on est un jour maigre. Et vous avez ce qu'on appelle des bassins de rô. Les bassins de rô sont des plats qui sont abondamment pourvus, essentiellement des volailles, parce qu'on aime beaucoup les volailles, et puis les volailles en plus permettent un partage inégalitaire, ce que ne permet pas forcément un morceau de bœuf. Donc la volaille est centrale pour ça, pour respecter l'inégalité entre les convives. Et ces plats, déjà bien chargés, étaient entourés de garnitures. Les garnitures, c'est là où le cuisinier montre son inventivité, sa prouesse technique. Alors ça peut être des abats, ça peut être des culs d'artichaut, ça peut être des truffes qui sont donc posées autour des plats et qui permettent aux convives de manger quelques aliments parfois très proches d'un hachis ou d'une quenelle, donc facile à manger, les problèmes dentaires dont j'ai déjà parlé, et de grappiller un petit peu. Hein. Puis ça, les garnitures sont les mêmes pour tous. Donc il y a un petit peu d'égalité avec les garnitures. Et le rô est toujours accompagné de salade, et la salade est centrale dans la culture d'Ancien Régime, parce que c'est une pause salutaire dans le repas. Parce que la salade, c'est une association de plusieurs feuilles de salade, donc il peut avoir un peu d'amertume, ça dépend des feuilles qu'on utilise. On va mettre des légumes en pickles, on va mettre également des fruits, on peut mettre des fleurs, et il y a une vinaigrette. Et donc ça permet de réveiller les papilles dans le repas et de continuer. En gros, ce serait plus ou moins l'équivalent du trou normand des années 1970. Vous voyez, cette pause qui réveille les papilles et qui permet ensuite de consommer les entremets et puis le fruit. Les entremets, donc c'est la quatrième séquence. Ce sont essentiellement des plats de légumes, notamment les choux-fleurs qui sont particulièrement réputés au 18e, les asperges, les artichauts, les petits pois, etc. On a quelques crèmes également, et donc on commence à avoir du sucré. Et après, on a la dernière séquence qu'on appelle le fruit chez le roi et chez les gens bien nés, qu'on appelle le dessert pour la bourgeoisie. Et cette séquence s'appelle le dessert parce que pour la première fois au cours du service, on va vraiment entièrement desservir la table. Alors que les autres séquences, on garde toujours le même plan de table qui a été prévu par le maître d'hôtel, qui repose sur l'élégance, c'est-à-dire la symétrie, qui reprend plus ou moins les parterres des jardins. Oui, il y a un jeu avec les jardins, et puis avec l'architecture aussi sur le décor. Et donc, on remplace un plat par un autre plat, ou alors un grand plat par deux petits plats, mais qui permettent d'avoir exactement le même positionnement. Le dessert, on fait un nouveau plan de table, et c'est un élément qu'on a conservé aujourd'hui dans les restaurants. C'est le moment où on vient vous retirer les miettes de pain dans les repas actuel dans les restaurants, c'est en réalité un héritage du passage de l'entremets au dessert. Et le dessert n'est pas réalisé en cuisine, il est réalisé à l'office, par les officiers d'office. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est sucrerie, de tout ce qui est fruits, de tout ce qui est boissons exotiques, c'est-à-dire le café, le chocolat, le thé, hein, tout ce qu'on peut avoir à la fin du repas. Et c'est là que l'on va avoir à la fois des fruits frais, des sucreries, des fruits confits qui permettent de terminer le repas. Bon appétit, hein. Dans le service à la française, donc les plats sont posés sur la table, les gens se servent, c'est ça? Oui, les gens se servent en prenant ce qu'il y a en face d'eux. C'est pour ça que les meilleurs plats sont en face des puissants, oui. Et que tous les plats ne se ressemblent pas en réalité. Et il serait très grossier de demander aux plus puissants de passer le plat. Ça ne se fait pas dans la culture d'Ancien Régime. Et dans la culture post-révolutionnaire, et puis l'épisode napoléonien, c'est un moment essentiel. Pour Carême, par exemple, on voit bien que les habitudes de table, malgré tout, changent. Il y a d'autres formes de services qui arrivent peu à peu. Marie-Pierre Rey, Carême est à l'écoute de ce qui se passe autour, c'est-à-dire en France, mais ailleurs. Oui, alors d'abord, il faut quand même rappeler, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, qu'il est un adepte du service à la française, parce que, évidemment, visuellement, c'est quelque chose qui est magnifique. Donc, il est subjugué par cette beauté, et ce service à la française va faire sa réputation. Il faut se souvenir quand même qu'au départ, il est engagé par Talleyrand pour faire ce qu'on appelle les grands extraordinaires, qui sont des pièces montées, en l'occurrence, hein, dont il va être le maître absolu, des pièces montées qui peuvent faire plus d'un mètre, c'est quand même extraordinaire, et qui sont justement disposés pour embellir cette table. Et chez Carême, tout se mange, y compris les socles de ces pièces montées. Donc évidemment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'au départ, il est pâtissier de formation, et il va devenir ensuite cuisinier, élargir sa palette. Mais c'est donc au départ, en tant que spécialiste de ces magnifiques pièces, alors qu'ils peuvent représenter des pagodes chinoises, des temples grecs, qui sont en fait un écho à sa passion de l'architecture. Parce qu'au départ, finalement, Carême, c'est un architecte rentré, mais le malheureux, évidemment, étant de si petite origine, ne pouvait rêver de devenir architecte, mais il va transposer à la cuisine ses règles. Et c'est ce qui va faire sa réputation initiale, c'est absolument somptueux et c'est délicieux. Et d'où, évidemment, le rôle qu'il joue à cette table ministériel par le décorum en réalité qu'il apporte. Mais progressivement, effectivement, ce service à la française va s'effacer derrière ce qu'on va appeler le service à la russe. Pourquoi ? Bah parce que l'inconvénient de ce service à la française, c'est que parfois on mange froid, c'est-à-dire que on ne peut pas, le temps que le service se fasse, que tout soit disposé. En général, le premier service est disposé sur la table, évidemment, parce que ça demande beaucoup de travail avant l'arrivée des convives. Et du coup, la déception est grande parce que c'est très beau, ça a l'air très bon, mais on le mange froid. Et donc, finalement, de ce point de vue-là, les mœurs vont évoluer. Alors, je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit Florent Quélier concernant le fait que le cuisinier va se montrer et qu'il doit être bien vêtu. Carême va revendiquer l'uniforme. Il parle d'uniforme, donc on est toujours dans la métaphore militaire. Un uniforme immaculé, donc forcément blanc, parce que le blanc est la couleur de l'hygiène, la propreté. Et donc, pour Carême, c'est quelque chose de très important. Il faut donc qu'il y ait ce beau vêtement blanc. La symbolique du couteau, qui est extrêmement importante et qui renvoie justement à cet écuyer, et non pas au domestique. Et puis la toque blanche qu'il va inventer. C'est lui qui invente la toque en 1821, alors qu'il est au service d'un ambassadeur britannique à la cour de Vienne, et qui va très très vite séduire le monde des cuisines. Et puis concernant les livres de cuisine, effectivement, il s'inscrit dans cet attachement à la signature. Carême écrit des livres de cuisine, alors qui ne sont pas seulement des livres de recettes. On pourra revenir sur ce point, parce que les livres de Carême ont une spécificité. Mais les ouvrages, qui connaissent des tirages impressionnants, 4 000 à 5 000 exemplaires pour les ouvrages d'Antonin Carême, ce qui est quand même une très grande performance, eh bien, il les a sortis de beaucoup de dessins pour aider à la confection des plats. Et puis, il est extrêmement rigoureux dans la codification des recettes, à la différence de ses prédécesseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment attaché à la défense du droit de la propriété, parce que il exprime très clairement qu'il poursuivra quiconque s'attribuera ses recettes sans le citer. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable, d'assez moderne pour 1833 quand même. Il s'inscrit lui aussi dans l'idée que le cuisinier non seulement devient un homme public, mais c'est un auteur culinaire qui doit transmettre. Et la transmission est quelque chose de fondamental pour Carême. Le droit d'auteur culinaire, oui, bien sûr, et d'ailleurs sans recette de Carême. Marie-Pierre Rey, vous citez bien dans votre ouvrage Le Premier des Chefs, c'est sans recette de Carême. Sinon, il vous aurait poursuivi. Absolument. Donc... Et j'ai eu du mal à en choisir 100, puisqu'il en compte plus de 2000. Il faut savoir qu'il a codifié plus de 2000 recettes, dont 300 potages. C'est un monde absolument fascinant que celui de table. Alors, tel que nous évoquons là, nous sommes bien loin de la table populaire. Nous sommes loin de cette table populaire, même si tout ce que nous disons depuis tout à l'heure évoque cette table bourgeoise qui se transforme peu à peu et dont aujourd'hui encore, on retrouve des codes anciens. Vous l'avez dit, Florent Quélier, le moment d'enlever les miettes, c'est le passage des entremets à après le dessert, c'est quand on dessert la table. On voit ici que on parle de rupture, on parle de nouvelle cuisine, on pourrait aussi regarder toute cette histoire sur ces longues continuités. Totalement, et la cuisine bourgeoise est liée à la cuisine des élites en réalité, et la cuisine bourgeoise apparaît au 18e. Le 18e a un côté très bourgeois. On a également l'invention, en tout cas la systématisation de la salle à manger également au 18e dans les appartements des élites, qui sera un des grands lieux de la cuisine bourgeoise. Et cette cuisine bourgeoise, par exemple, elle est portée par Menon dans la cuisinière bourgeoise, qui est au 18e le plus grand succès d'un traité culinaire en langue française, qui va être également traduit en langue étrangère. Et la cuisine bourgeoise, c'est une cuisine moins onéreuse, considérée comme moins compliquée, mais qui est dans la même logique, dans la même grammaire. Et c'est une cuisine qui est considérée comme une cuisine de femmes. Parce que il y a cette logique que la gastronomie appartient aux hommes, que le chef de cuisine est un homme. Et effectivement, dans les cuisines aristocratiques, ce sont des hommes qui œuvrent, ce sont des hommes qui servent également le roi et les tables princières masculines en France. Donc c'est l'homme qui est mis en avant dans cette culture gastronomique. Et il y a l'idée, dans la société d'Ancien Régime, que l'acte créatif ne peut être que masculin, qu'une femme ne peut que reproduire à l'identique. Par exemple, dans la peinture, une femme peut exceller en nature morte, mais pas dans la peinture de grande histoire, où là, il faut imaginer, créer. Et en plus, la cuisinière est moins payée qu'un cuisinier. Déjà, sous l'Ancien Régime, les salaires des femmes sont inférieurs aux salaires des hommes. Donc, tout cela renvoie à cette idée d'une cuisine plus simple, plus facile et moins prestigieuse. Et d'ailleurs, à l'époque moderne, tous les livres de cuisine publiés en France et qui ont été signés par des hommes. Pour avoir un livre de cuisine signé par une femme, il faut attendre la période révolutionnaire, un livre qui est consacré uniquement aux pommes de terre, signé d'une dénommée Madame Mérigot, mais on ne sait même pas si cette femme a réellement existé. Alors après, au 19e, on aura des livres de cuisine écrits par des femmes et des livres de cuisine écrits par des hommes, mais avec un pseudonyme féminin pour toucher un autre public qui n'est pas un public qui va être apeuré par une cuisine de grand chef qui serait une cuisine obligatoirement très technique et très difficile à mettre en place. C'est vrai que ce 19e siècle, celui de la bonne à tout faire, qui peut aussi faire de temps en temps la cuisine. Marie-Pierre Rey, dans cette histoire qui est aussi une histoire du genre, oui. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'idée d'associer les femmes aux cuisines est encore répandue. Vous avez croisé des femmes dans cette histoire d'Antonin Carême? Eh bien, surtout ce qui est intéressant, et là aussi on voit à quel point Carême est visionnaire, il écrit ses livres donc avec beaucoup de détails, puisque j'ai mentionné qu'il codifiait, il est celui qui va codifier le plus précisément, ce qui va faire le succès de ses livres, les temps de cuisson, la puissance du four, etc. Et ses ouvrages s'adressent, il le dit, aux futurs cuisiniers, mais également aux femmes. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que lui, précisément, considère que les femmes peuvent être des ambassadeurs, il emploie le terme, de cette cuisine, de cette haute cuisine. Et donc, il ne condamne pas les femmes à la cuisine roborative. Donc, de ce point de vue-là, il a une démarche extrêmement intéressante et relativement novatrice. Alors, il est vrai que peut-être dans sa démarche convoque-t-il le souvenir de son service à Londres, puisque il a servi le prince régent, futur roi, à Londres et à Brighton, et qui avait des cuisines. Le régent George était absolument fou de cuisine, donc il y avait à l'époque les cuisines quasiment les plus modernes d'Europe, avec des rôtissoirs extraordinaires qui vont absolument séduire Carême. Mais il y a dans les cuisines britanniques, des femmes en cuisine qui ne sont pas à l'arrière-plan, qui sont également dans les brigades. Et de ce point de vue-là, c'est une nouveauté qui va l'intéresser, Carême. Et il trouvera intéressant d'associer plus de femmes que ne le faisaient ses prédécesseurs et ses contemporains français, en tout cas. Ça, c'est quelque chose auquel il est très attentif. Ah bah, nous devons beaucoup aux Anglais dans l'histoire de la cuisine. De ce point de vue-là, oui. Ça, c'est étonnant, de ce point de vue-là, plan qu'il y ait. Et en Angleterre comme en Allemagne, on a des livres de cuisine signés par des femmes pour l'époque moderne. Ce qu'on n'a pas du côté français ni du côté italien. Or, la grande cuisine sera du côté français et italien, pas du côté anglais et pas du côté allemand. Et je pense que ce n'est pas innocent pour une histoire du genre. Oui, pour une histoire du genre et aussi une histoire des identités nationales. Hein. On voit très bien que cette histoire de l'alimentation, c'est une histoire qui s'écrit avec des fiertés. Donc, nous parlons beaucoup de l'histoire de l'alimentation vue de France avec la table des souverains. En fait, on pourrait faire la même émission en faisant des spécificités. La table du roi en Angleterre, la table du roi en Italie... etc. Totalement. Et en plus, c'est une histoire politique, hein, réellement. C'est-à-dire que en Angleterre, on voit très bien que la cuisine de cour a du mal à prendre, parce que la cuisine de cour sous les Stuarts est associée au régime politique français, est associée à l'absolutisme qui est en cours de construction sous les Bourbons. Et en Angleterre, on voit très bien que la cuisine qui va s'imposer, c'est la cuisine de la gentry. Et la cuisine de la gentry, c'est bien pour l'idée d'un autre modèle politique et un autre modèle de développement. C'est pour ça que la table n'est pas anecdotique. Elle dit vraiment un fonctionnement de société. Marie-Pierre Rey. Oui, je voudrais rajouter un détail sur ce point. C'est vrai, il y a des spécificités, mais en même temps, ce qui va caractériser le début du 19e siècle, c'est la circulation des cuisiniers français qui finalement vont également participer à, je dirais, l'émergence d'un goût européen. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant dans le premier tiers du 19e siècle. Carême dit, tout le monde s'arrache nos cuisiniers, on les paye un pont d'or. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que ces cuisiniers français vont transporter la cuisine française dans toute l'Europe, mais ils vont également importer des usages. Et en particulier, Carême importera la cuisine des pâtes en France. Donc, il n'est pas que français. Il importe aussi des savoir-faire culinaires venus d'ailleurs, d'où cette idée d'un goût européen qui émerge. Même étudiants et étudiantes doivent beaucoup à Carême au moment de faire les pâtes. Le premier des chefs, c'est votre ouvrage, Marie-Pierre Rey. Et puis, je rappelle, cette sublime histoire de l'alimentation que vous avez dirigée, Franck Hélier, chez Belin, une aventure exceptionnelle. Merci vraiment à tous les deux. Et au menu dans le cours de l'histoire, Gérard Noiriel. Maintenant, le pourquoi du comment. Pourquoi la querelle du pain a abouti au schisme d'Orient? Dans plusieurs de mes chroniques, j'ai invité les auditeurs à se méfier des simplifications qui présentent l'histoire comme une succession de grandes dates. J'en donnerai une nouvelle illustration aujourd'hui en vous parlant de ce que nos manuels d'histoire appellent le schisme d'Orient, qui aurait eu lieu en 1054, date retenue pour indiquer le moment de la séparation au sein de la chrétienté entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. En réalité, pour comprendre ce divorce, il faut remonter au IVe siècle de notre ère, quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain et Byzance, rebaptisée Constantinople, aujourd'hui Istanbul, a été proclamée capitale de l'Empire romain d'Orient. À partir de ce moment-là, l'Église chrétienne est devenue une entité bicéphale, partagée entre Rome et Constantinople. Jusqu'au Xe siècle, le patriarche de Constantinople conserva une forte influence en Italie du Sud, mais lorsque les Francs et les Normands s'installèrent dans cette partie de la péninsule, la papauté tenta de renforcer son autorité spirituelle en y implantant le rite latin au détriment du rite grec. La rupture, survenue le 16 juillet 1054, fut le premier point d'aboutissement de ces rivalités ancestrales. La querelle qui opposa le patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, et le pape de Rome, Léon IX, aboutit à des excommunications réciproques à cause d'une histoire de pain. Pour la consécration de l'Eucharistie, les chrétiens d'Occident utilisaient ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'hostie, fabriquée avec du pain azim, un pain ancien qui n'est pas gonflé sous l'effet du levain, car il est uniquement constitué d'eau et de farine pétrie ensemble. C'est ce même pain que les Juifs font cuire durant la fête de Pessah, la Pâque juive, en souvenir de leurs ancêtres qui se nourrirent de pain sans levain dans leur hâte à quitter l'Égypte où ils étaient retenus en esclavage. Le patriarche de Constantinople ne pouvait pas admettre que le pape impose aux chrétiens le pain azim, car dans le rite grec, on utilisait du pain levé. C'est surtout cette divergence sur la façon de cuire le pain qui alimenta les échanges injurieux entre les deux hommes. La preuve figure dans une lettre du patriarche de Constantinople